boîte le jour est déjà fini. C'est la nuit qui t'empêle et qui a refroidi le jour est déjà fini. C'est la nuit qui t'empêle et qui a refroidi. On les enterre et on les rechante et on les rechante. Znamená to, že den je u konce? Přichází noc? A panenky, které nastydnou, pohřbíváme. A zpíváme jim. Et on ne les rechante.